الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du livre intitulé Al-Aqida al-Wasitiya, qui est l'œuvre du grand savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Dans le cours dernier, nous avons terminé le passage concernant la mention de versets dans lesquels sont affirmés des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons commencer aujourd'hui le passage suivant dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné un certain nombre de hadiths authentiques dans lesquels sont également affirmés certains des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc dit rahimahullah Faslun. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chapitre vient ensuite ce qui est dans la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire vient ensuite nous démontrer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce par quoi son messager صلى الله عليه وسلم l'a décrit dans la sunna authentique. Et ce car la sunna est le deuxième fondement de notre religion, celui vers lequel il nous est obligatoire de revenir avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, au verset 59 de Surat An-Nisa, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, quel que soit le domaine de cette dispute, quel que soit le domaine de cette divergence, comment trouve-t-on le remède et la solution à cette divergence? Farudduhu ila Allah. Renvoyez cette dispute, ce conflit, cette discorde à Allah, c'est-à-dire au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rasul et au messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire après sa mort, on renvoie cette discorde, ce conflit, ce désaccord à sa sunna authentique sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une obligation dans tous nos désaccords, de les renvoyer au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et entre dans cela les désaccords et les divergences en ce qui concerne la croyance. Et la sunna, dans la langue arabe, elle désigne at-tariqa, c'est-à-dire la voie, le chemin emprunté. Et dans la terminologie religieuse, elle est définie comme ce qui est rapporté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme parole, comme acte et comme approbation. Tout ceci fait partie de sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur, rahimahullah, va nous exposer ici, avant de mentionner quelques hadiths, l'importance de la sunna et son rang dans notre religion. Et il nous dit, فَالسُنَّةَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ. La sunna explique le Qur'an. Elle nous explique l'essence du Qur'an, ses objectifs, ce qui est visé par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses versets. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour mission de clarifier aux gens ce qui était descendu sur lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet, au verset 44 de Sourate An-Nahl, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Et nous avons fait descendre sur toi le rappel, c'est-à-dire le Coran. Nous avons fait descendre sur toi la révélation, afin que tu exposes clairement aux gens ce qu'on a fait descendre vers eux. L'imam al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, a dit dans le tafsir de ce verset, que ce qui est visé par le rappel est la révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam clarifiait la révélation. Et la clarification du livre, c'est-à-dire du Qur'an, se recherche et se trouve dans la sunna, c'est-à-dire la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur a donc dit, فَالسُنَّةَ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ. La sunna explique le Qur'an. وَتُبَيِّنُهُ. Et elle le clarifie. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont venues de façon abrégée ou générale dans le Coran. Et la sunna est venue les clarifier de manière précise. C'est-à-dire que la sunna a précisé ce qui est venu de manière sommaire et abrégée dans le Coran. À titre d'exemple, la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné la prière dans son noble livre. Mais les détails concernant cette prière, concernant les temps de prière, concernant la manière de prier, la manière de s'incliner, la manière de se prosterner, ainsi de suite, le nombre d'unités de ces prières, tout cela est venu dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre a ordonné la zakat. Et la zakat, ses détails sont venus dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il en est de même concernant le jeûne, concernant le pèlerinage et autres parmi les jugements religieux qui sont venus de manière sommaire et abrégée dans le Coran et qui ont été clarifiés dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la sunna, elle, explique le Coran et elle le clarifie. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit aussi « وَتَدُلُّ عَلَيْهِ وَتُعَبِّرُ عَنْهُ » Et elle confirme ce qui est prouvé dans le Coran, elle confirme ce qu'il indique et elle en exprime le sens. C'est-à-dire que ce qui est indiqué dans le Coran, ce qui est prouvé dans le Coran, est indiqué et prouvé dans la sunna. Et également, ce qui est exprimé dans le Coran est exprimé également en son sens dans la sunna. C'est-à-dire que la sunna vient en accord avec le Coran et lorsque telle est la situation, nous dirons que cette question est démontrée par le livre et la sunna. Et entre dans cela les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs qui sont venus dans le livre, dans le Coran et dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit « وَمَا وَسَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلْ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي تَلَقَّاهَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَبُولِ وَجَبَ الْإِمَانُ بِهَا كَذَلِكَ » Et ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit son Seigneur. On va voir des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit Allah par certains attributs. Ce qui est venu dans ces hadiths, l'auteur nous dit, parmi ce qui se trouve dans les hadiths authentiques, il est impératif que ces hadiths soient authentiques, qui ont été acceptés par les gens de connaissance, c'est-à-dire les spécialistes en la matière, les savants du hadith, et autres qu'eux, n'est pas pris en considération à ce sujet. Ce que nous prenons en considération, c'est les paroles des spécialistes en la matière, c'est-à-dire les savants du hadith. Donc il nous dit, et ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit son Seigneur, parmi ce qui se trouve dans les hadiths authentiques, qui ont été acceptés par les gens de connaissance, les spécialistes en la matière, il est obligatoire d'avoir aussi foi en cela. Il est obligatoire d'avoir foi en cela. De la même manière que ce qui est venu dans le Coran, sans altération, sans négation, sans assimilation, sans description du comment. De la même manière qu'il est obligatoire pour toi de croire en ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est lui-même décrit dans le Coran. Il est obligatoire pour toi également que tu aies foi et que tu crois avec certitude, sans aucun doute, en ce par quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit son Seigneur dans la sunna authentique. Et ce car le prophète sallallahu alayhi wa sallam est comme l'a décrit son Seigneur. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى Ce n'est qu'une révélation qui lui est inspirée. Donc la sunna qui a été prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est autre qu'une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi à ce sujet, comme au verset 113 de Surat An-Nisa, وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Et Allah a fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, et الْحِكْمَةِ la sagesse, c'est-à-dire la sunna, comme l'ont mentionné les savants du tafsir, rahimahum Allah ta'ala. Il est donc obligatoire pour tout musulman d'avoir foi, de croire avec certitude et d'avoir la ferme conviction en ce qui est venu dans la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et plus particulièrement dans le domaine de la croyance. Et comme l'a précisé l'auteur, rahimahullah, pour accepter ces hadiths, il est indispensable qu'ils soient authentiques, qu'ils soient confirmés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, les savants ont démontré qu'il y avait des hadiths parfois inventés. Ils ont clarifié cela, ils ont démontré leur faiblesse. Également, parmi les hadiths, il y en a qui sont faibles, dont les chaînes de transmission ne sont pas confirmées ou ne remontent pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou contiennent des narrateurs faibles ou des narrateurs connus pour le mensonge ou autre chose semblable. Et tout ceci a été exposé et clarifié par les spécialistes en la matière qui sont les savants du hadith. Et à partir du moment où le hadith est authentique, que les spécialistes en la matière l'ont considéré comme tel, alors il est obligatoire pour nous d'y avoir foi et de l'accepter comme l'ont accepté les gens de science. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, après nous avoir exposé l'obligation de croire en ce qui est venu dans la sunna, il va nous mentionner quelques exemples parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous décrivant certains attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a donc commencé par ce qui concerne l'attribut d'An-Nuzul. Et il a dit فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Entre dans cela, entre dans ces hadiths auxquels il est obligatoire pour toi d'avoir foi, d'y croire avec certitude, sans aucun doute, et d'affirmer ce qui est venu dans ceci comme nom et attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَى. Notre Seigneur descend au ciel le plus bas, au ciel de ce bas monde, chaque nuit, d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Nous avons foi en cela, et nous ne comparons pas la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala à la descente des créatures. Car, comme on l'a vu, laïsa kamithlihi shay, rien n'est semblable à lui. On ne compare donc pas ses attributs aux attributs des créatures, et nous les affirmons sans description du comment. Nous ne renions pas ses attributs, nous ne l'altérons pas, nous n'altérons pas son sens, nous ne le comparons pas et ne l'assimilons pas aux attributs des créatures, et nous n'en décrivons pas le comment. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informé du comment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit au ciel le plus bas. Et il nous précise à quel moment. حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ. Lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit. C'est à ce moment-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend au ciel le plus bas. فَيَقُولُ. Et il dit مَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتَجِيبَ لَهُ. Qui m'invoque afin que je l'exauce? مَنْ يَسْأَلُونِ فَأُعْطِيَهُ. Qui me demande afin que je lui donne? مَنْ يَسْتَغْفِرُونِ فَأَغْفِرَ لَهُ. Qui implore mon pardon afin que je le pardonne. Muttafaqun alayhi. Ce hadith est muttafaq alayhi, c'est-à-dire qu'il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. C'est donc le degré de hadith le plus authentique. Il n'y a aucun doute à ce sujet. On voit donc dans ce hadith cet attribut qui est l'attribut d'An-Nuzul, la descente divine, qui fait partie des attributs liés aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous nous devons d'affirmer d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Et ce hadith nous démontre également, et c'est une preuve, de l'attribut de l'élévation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures. Pourquoi? Car la descente ne peut avoir lieu que de ce qui est élevé. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala, il fait partie de ses attributs qu'il descend, cela nous démontre qu'il est élevé, subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith, il n'est pas permis d'en altérer son sens comme en disant que ce n'est pas Allah qui descend, mais que ce serait son ordre ou sa miséricorde comme l'ont mentionné certains parmi les gens de l'innovation et de l'égarement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit clairement que c'est notre Seigneur qui descend. Il est obligatoire de comprendre cela selon le sens premier de la parole, qui est son sens réel, et nous ne devons pas altérer ce sens. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique dans ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « Qui m'invoque afin que je l'exauce ?» Est-il donc censé de dire que ce serait sa miséricorde ou son ordre qui prononcerait cette parole? Cette parole est prononcée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui descend subhanahu wa ta'ala d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Et il y a donc aussi dans ce hadith l'affirmation de l'attribut de la parole. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et il dit, qui m'invoque afin que je l'exauce ?» Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle comme il veut et quand il veut subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi dans ce hadith l'affirmation qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne, qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond aux invocations et qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à ceux qui implorent son pardon. Et tout ceci fait partie des attributs liés aux actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith, en plus de ces questions liées à la croyance que nous venons d'évoquer, il y a la preuve du mérite immense de ce moment particulier duquel grand nombre de gens, si ce n'est la majorité, sont insouciants. Et ce en raison de notre manque de foi ou de notre manque de certitude en ce qui est venu dans ces textes du Coran et de la Sunnah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ici qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend chaque nuit durant le dernier tiers de la nuit. Et parmi les bénéfices et les événements qui se produisent à ce moment, il y a le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui l'invoque sera exaucé, que celui qui lui demande recevra ce qu'il a demandé, et que celui qui implore son pardon se verra pardonné. Ceci est ce qui est venu dans ce hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala. Tu ne dois donc avoir aucun doute à ce sujet. Et celui qui te dit qu'il va répondre à tes invocations et qu'il va te donner ce que tu demandes, c'est le Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Celui qui a créé toutes choses et qui possède toutes choses. Le riche par excellence. Tout bienfait dont tu peux jouir ne peut provenir que de lui. Donc pourquoi ne profites-tu pas de ce moment si précieux pour te lever et invoquer ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala? Ne serait-ce que quelques instants avant l'entrée du temps du Fajr. Tu te lèves et tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lèves tes mains, le cœur rempli d'espoir, avec une bonne opinion de ton Seigneur, avec la ferme conviction en sa promesse et qu'il répond aux invocations de ses serviteurs. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Pourquoi ne lui adresses-tu pas tes demandes à ce moment-là? Pourquoi nombre de personnes ont cette mauvaise habitude qui, lorsqu'ils sont en difficulté, se plaignent auprès des créatures, au lieu de se plaindre auprès du Seigneur des créatures, subhanahu wa ta'ala, lui faire part de tes besoins, lui faire part de tes difficultés, lui demander de te soulager, de t'accorder une issue, et ainsi de suite parmi ce qui peut être demandé à Allah subhanahu wa ta'ala parmi les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Wallahi, si une personne parmi les créatures s'engageait à donner ne serait-ce qu'une poignée d'euros à toute personne qui se lèverait et viendrait la voir à 3h ou à 4h du matin, il y aurait la queue devant la maison de cette personne. Tout le monde s'y rendrait pour chercher une poignée d'euros vouée à disparaître. Devant une vile créature, ici c'est le Créateur, le Seigneur de l'univers, Al-Karim, Rabbul Alamin, Al-Ghani, qui te dit que si tu l'invoques, il va répondre à ton invocation. Si tu lui demandes, il va te donner. Et si tu implores son pardon, il va te pardonner. N'est-il donc pas le moment de sortir de notre insouciance et de lier nos cœurs à Allah subhanahu wa ta'ala en profitant de ces moments précieux pour invoquer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala? Et chacun d'entre nous est plus connaisseur de sa personne, et il nous revient de nous remettre en question et chercher à nous améliorer et aller de l'avant, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa parole, c'est-à-dire la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lillahi ashaddu faraha bitawbati abdihi min ahadikum birahilatihi. Allah a une joie du repentir de son serviteur, qui est plus grande que celle de l'un d'entre vous qui retrouve sa monture. El hadith. Le Cheikh rahimahullah ta'ala n'a pas mentionné le hadith en entier, mais seulement ce qui est visé par la mention de ce hadith, qui nous démontre l'attribut d'al-farah, l'attribut de la joie, qui est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on se doit d'affirmer d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. Et on ne doit pas comparer cet attribut aux attributs des créatures. Mais on l'affirme comme l'ensemble de ses attributs, sans altération, sans négation, sans assimilation, sans comparaison et sans description du commun. Allah subhanahu wa ta'ala a de la joie du repentir de son serviteur. Lorsque tu reviens à lui, que tu délaisses les péchés, tu as transgressé ses interdits, tu as délaissé ses ordres, puis tu te remets en question et reviens à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Tu délaisses ses péchés. Tu as des remords pour le passé. Tu as la ferme volonté de ne plus commettre ces péchés. Allah a de la joie de cela. Et cette joie est une forme de bienfaisance, de bonté et de compassion de sa part, subhanahu wa ta'ala. Car tu dois avoir conscience qu'il n'a pas besoin de ton repentir, ni du repentir de quiconque parmi ses serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala a de la joie lors du repentir de son serviteur, non pas parce qu'il en tire profit, car il est al-ghani. Il se passe de l'ensemble de ses créatures et de l'ensemble de l'univers. L'obéissance du vertueux ne lui est d'aucun profit, de même que le péché du désobéissant ne lui est d'aucune nuisance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a de la joie car il est bienveillant, il est bienfaisant et il est bon envers ses serviteurs. Et il fait partie de cette bienfaisance et de cette bienveillance et de cette bonté qu'il a de la joie lorsque tu reviens à lui et délaisses les péchés. Donc ceci doit nous encourager au repentir, à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère, à délaisser l'ensemble des péchés, à avoir des regrets pour le passé et à avoir dans nos cœurs la ferme volonté de ne plus revenir et de ne plus commettre ces péchés. Et l'auteur rahimahullah nous dit que ce hadith est également muttafaq alayhi, c'est-à-dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. Ensuite, il dit « وَقَوْلُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنَ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَ الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ » Ainsi que sa parole, صلى الله عليه وسلم, Allah rit de deux hommes, l'un tue l'autre, et ils entrent tous deux au paradis. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, رحمهم الله تعالى. Donc l'auteur, rahimahullah, a mentionné ce hadith car il nous démontre que le rire fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un attribut lié aux actes que l'on se doit d'affirmer d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté subhanahu wa ta'ala. Nous ne disons pas que c'est un rire comme le rire des créatures. Laysa kamithlihi shay. Rien n'est semblable à lui subhanahu wa ta'ala. Mais nous affirmons cet attribut comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a lui-même affirmé pour son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah rit de deux hommes. L'un tue l'autre et ils entrent tous deux au paradis. Comment cela est-il possible? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la suite du hadith, il nous a expliqué la raison pour laquelle ils entrent tous deux au paradis. Il a dit, le premier, à se faire tuer, il combat sur le sentier d'Allah. Et il se fait tuer par un homme qui est alors mécréant et tombe ainsi en martyr. Il obtient donc par cela le paradis. Puis Allah subhanahu wa ta'ala guide et facilite le repentir à celui qui l'a tué. Il entre donc en islam et il combat à son tour sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala puis meurt en martyr. Regardez la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la largesse de sa miséricorde. Le premier est musulman. Il combat sur le sentier d'Allah et se fait tuer par un mécréant. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui fait donc grâce et l'honneur par le rang de martyr. Puis il fait grâce au mécréant qu'il a tué, le guide à l'islam, et à son tour, il combat sur le sentier d'Allah et meurt au martyr. Et ils entreront tous deux au paradis. Et ça, c'est une situation surprenante. Donc Allah subhanahu wa ta'ala rit de la situation de ces deux hommes qui est une situation surprenante. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre hadith dans lequel sont affirmés les attributs de l'étonnement et du rire. Et il a dit, « وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره » Ainsi que sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, « Notre Seigneur s'étonne du désespoir de ses serviteurs, alors que autre chose est proche, c'est-à-dire alors que le changement de situation, l'issue, le secours, la délivrance, la fin de cette épreuve est proche. » Mais le serviteur désespère. Et notre Seigneur s'étonne de cela. Ensuite il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Yanvuru ilaykum » Azilin, qanitin, fayadallu yadhak, ya'lamu anna farajakum qarib. Hadith Hassan. Il vous regarde lorsque vous êtes dans la difficulté, désespéré, et il ne cesse de rire, car il sait que votre délivrance est proche. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que ce hadith est un hadith Hassan, c'est-à-dire que il est jugé bon. Et il a été jugé bon par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne de ses serviteurs lorsqu'ils sont en difficulté, et plus particulièrement lors des moments de sécheresse, l'absence de pluie, et que cela désespère de la tombée de la pluie. Alors que le changement de situation est proche, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche, la délivrance de cette épreuve est proche. Et il vous regarde lorsque vous êtes dans la difficulté et désespéré. Et il ne cesse de rire. Et ceci fait partie de ses attributs liés aux actes subhanahu wa ta'ala que l'on ne compare pas aux attributs de ses créatures. Nous affirmons le rire et l'étonnement pour Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté. On ne compare pas son étonnement ni son rire à l'étonnement et au rire des créatures. Car laïsa kamithli shay, rien n'est semblable à lui, subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith, il y a également l'affirmation de l'attribut du regard. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que il regarde ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala. Et ceci également fait partie de ses attributs liés aux actes. Rien ne lui échappe, subhanahu wa ta'ala, parmi ce qui est dans les cieux et sur la terre. Donc ce hadith, le fait d'y avoir foi va faire naître dans ton cœur l'espoir en Allah subhanahu wa ta'ala et la bonne opinion à l'égard de ton Seigneur qui va t'aider à patienter lors des difficultés et à attendre la délivrance de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et attendre la délivrance est certes une adoration. Cette patience et cette attente, lorsque tu es face à une difficulté, lorsque tu es dans une épreuve, et que tu attends le secours de ton Seigneur, que tu attends son aide. Si tu attends cela avec patience, en acceptant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété, sans t'indigner contre son décret et son destin, que ce soit dans ton cœur ou par ta langue ou par tes membres, si tu es patient et endurant, et que tu attends le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa délivrance, alors sache que tu es en adoration. Cette attente même, c'est une adoration que tu vois Allah subhanahu wa ta'ala de la même manière que la patience. Donc, tu ne dois pas te précipiter. Nombre de personnes, lorsqu'elles sont éprouvées, elles se précipitent. Elles veulent la délivrance immédiatement. Tu dois avoir conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qui te convient et sait également ce qui ne te convient pas. Donc s'il t'a privé d'une chose ou l'a retardé, tu dois faire preuve de patience et accepter le décret de ton Seigneur. Et tu ne dois pas désespérer, mais tu dois avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et te rappeler de ce hadith. Notre Seigneur s'étonne du désespoir de ses serviteurs, alors qu'autre chose est proche, alors que leur changement de situation est proche, alors que le passage de la difficulté à la facilité est proche, alors que le passage de la souffrance au bonheur est proche. Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne de cela. Il vous regarde dans la difficulté et désespéré, il ne cesse de rire. Subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car il sait que votre délivrance est proche. Il sait que le secours est proche, subhanahu wa ta'ala. Et il ne nous incombe que de patienter, d'attendre avec endurance le secours d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tout en nous conformant à ce qui nous permettra d'obtenir l'agrément et la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est cela qui incombe aux croyants lors des difficultés. Il fait ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a ordonné, et il patiente face au décret de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et si tu agis de cette manière, que tu veilles à ne pas transgresser les interdits et être assidu à tes obligations et à tes devoirs, alors sache que tu es en adoration et que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala est proche. Et certes, celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue et lui accordera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith dans lequel est venue l'affirmation de l'attribut du pied, al-rijl et al-qadam. Et il a dit, wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que sa parole, sallallahu alayhi wa sallam. La tazalu jahannam yulqa fiha, wa hiya taqul hal min mazid. On ne cessera de jeter, c'est-à-dire des gens, en enfer. Et l'enfer dira, peut-on en ajouter? C'est-à-dire, y en a-t-il encore? Elle demandera, l'enfer, en raison de sa grandeur et de sa vasteté, lorsque les gens y seront jetés, demandera qu'on en jette encore. Et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis de remplir l'enfer. Il a dit subhanahu wa ta'ala, حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Et la parole de ma part doit se réaliser. J'emplirai l'enfer d'hommes et de djinns réunis. Donc lorsque les gens seront jetés en enfer, l'enfer demandera d'en ajouter encore. Peut-on en ajouter? Hatta yada'a rabbul izzati fiha rijlahu. Jusqu'à ce que le Seigneur Tout-Puissant y mette son pied. Wa fi riwaya, et dans une autre narration, alayha qadama. Jusqu'à ce que le Seigneur Tout-Puissant mette dessus son pied al-qadam. Dans le premier, c'est le mot rijl en arabe qui est venu, et dans le deuxième, al-qadam, que l'on peut traduire tous deux par le pied. حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهَا قَدَمَا فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ. Alors l'enfer se contractera en se repliant sur lui-même, en disant فَتَقُولْ قَتْ قَتْ. Cela suffit, cela suffit. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim رحمهم الله تعالى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a promis de remplir l'enfer de djinns et d'hommes. Et il fait partie de sa grâce et de sa miséricorde, de sa justice et de son équité, qu'il ne châtie pas une personne sans que cette dernière ne le mérite, en raison de ses péchés. Donc, il a concrétisé sa promesse en mettant son pied sur l'enfer, jusqu'à ce que l'enfer se contracte, que ses parties se joignent et ses extrémités se joignent les unes aux autres, de sorte à ce qu'il n'y ait plus de place pour y ajouter qui que ce soit, et que l'enfer dise cela suffit, car l'enfer sera plein. Cela me suffit, il n'y a plus de place pour y mettre qui que ce soit. Et ceci fait partie de la grâce et de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith nous démontre que al-qadam et al-rijl, le pied, fait partie des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que nous nous devons d'affirmer d'une manière qui sied à sa grandeur et à sa majesté, comme nous affirmons pour lui le visage et les mains, comme on l'a vu lors de l'étude des versets du Coran. Nous affirmons cela concernant Allah subhanahu wa ta'ala sans négation, sans altération, sans assimilation ou comparaison et sans description du comment. Il a un pied, et ce pied n'est pas semblable au pied de ses créatures, car laysa kamithlihi shay, rien n'est semblable à lui. Et de la même manière concernant le visage et les mains. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un hadith concernant l'attribut d'An-Nida, Das Saut et Del Kalam, c'est-à-dire l'appel, le son ou la voix et la parole. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam, et sa parole, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaqulu Allahu ta'ala, ya Adam, Allah dira, ô Adam, fa yaqulu labbayka wa sa'dayk, il dira alors, je suis à toi, je suis à ta disposition. Fa yunadi bi saut, il l'appellera alors de vive voix. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَن تُخْرِجَ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ بَحْثًا إِلَى النَّارِ. Allah t'ordonne certes de faire sortir de ta descendance un groupe destiné au feu, c'est-à-dire de séparer les gens du feu d'autre que. Donc ce hadith, il nous démontre très clairement l'attribut d'al-qawl, du dire, de la parole, d'an-nida, de vive voix, d'un son qui est entendu, l'appel d'un son qui est entendu, et que ceci aura lieu au jour de la résurrection. Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle, appelle, quand il veut, qui il veut, de la manière qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahum Allah ta'ala. Ensuite il a mentionné un autre hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Ma minkum min ahad illa sayukallimuhu rabbuh » وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانِ. Il n'y a personne parmi vous, il s'adressait ici aux compagnons radiallahu anhum, et entre dans cela, de manière générale, l'ensemble des croyants, il n'y a personne parmi vous, ô les croyants, sans que vienne le moment où son Seigneur lui parlera, sans qu'il n'y ait entre eux d'interprète, sans aucun intermédiaire ni interprète. Allah subhanahu wa ta'ala parlera à tout serviteur croyant sans aucun intermédiaire. Donc il y a dans ce hadith l'affirmation de l'attribut de la parole pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah parlera à ses serviteurs. Et cette parole fait partie de ses attributs liés aux actes. Il parle quand il veut, à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et on voit ici qu'il parlera à tout croyant au jour de la résurrection, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi ses serviteurs croyants et de ne nous faire mourir qu'en pleine soumission et de nous compter parmi ceux qui pourront jouir de la vision de son noble visage au paradis subhanahu wa ta'ala. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on lira la suite des hadiths mentionnés par l'auteur dans le prochain cours inshallah ta'ala. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.